بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا له من يضلل فلا هادي له. الله ورسوله فاز فوزا عظيما. ان اقل الكلام كلام الله وخير الهدي بمحمد صلى الله عليه وسلم وشر امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. مرحبا بكم ان شاء الله تعالى qui concorde avec le 8 septembre 2007. Attendez, je vois si c'est 2007 ou 2008. J'ai oublié. Je vais voir. 2007. On va commencer comme d'habitude, inshallah ta'ala, vite par une petite révision. Et inshallah ta'ala, on rentrera dans le nouveau dars, inshallah ta'ala. Quand on jeûne, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, ensuite on entend l'adhan, il est de la sunna de ne pas retarder l'adhan, mais de vite, yani, manger. Quand on va manger, quelle est la dua qu'on doit faire, inshallah ta'ala? Je répète. طيب ابو مريم تفضل. طيب ابو مريم حياك الله تفضل. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. نعم جزاك الله خير. ذهب الظما ابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. نعم جزاك الله خيرا. طيب maintenant si quelqu'un va commencer son dua en disant ainsi: اللهم لك صمت وعلى رزقك فطرت. Ensuite il dit: ذهب الظما ابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. Qu'est-ce que vous avez comme remarque à faire? Si quelqu'un commence la dua, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika fatartu dhahab al-dhama wa btillat al-uruq wa thabat al-ajru inshallah. Ummu Ismail tafadhali. Naam, il a ajouté quelque chose, c'est-à-dire que il a dit, c'est-à-dire qu'il a ajouté quelque chose de faible. Naam, quelque chose de faible. Car le début du hadith qui dit اللهم لك صمت وعلى رزقك فطرت, ça c'est ضعيف, ça c'est ضعيف. Ensuite vous savez les hadiths ضعيف, les hadiths faibles, il y en a yani, des centaines pour ne pas dire des milliers, et beaucoup sont très très répandus et ont été très propagés, au point où lorsqu'on dit à une personne ce hadith est ضعيف et faible, il s'étonne, il dit subhanallah, subhanallah, ضعيف. Naam, daif. Comme par exemple, je ne sais pas si je vais me rappeler quelques hadiths. Par exemple, le hadith qui dit Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. Très connu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima. La fin. Le muslima est faible. Mais le sahih, c'est quoi? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. C'est tout. Il n'y a pas dans le hadith muslima. Alors que la muslima aussi, la science est obligatoire pour elle. Mais je veux dire seulement, il n'y a pas dans le hadith. Naam. Comme le hadith par exemple, utlobul ilma, demandez la science. Walou fissin, même si c'était en Chine, demandez la science même si elle est en Chine. Très connu ce hadith. Il est daif. Certains ont dit même il est forgé. Ou bien comme le hadith qui dit par exemple, utlobul ilmi, utlobul ilma. من المهدي إلى اللحدي. Non, demander la science, min el mahd, du berceau jusqu'au le truc là où on nous met à l'intérieur, hein, quand on meurt. C'est un hadith très connu. Pourtant, il est faible. Il n'est pas vrai. Ou alors, par exemple, somo tasehu. Non, somo tasehu. Faites le jeûne et vous serez en meilleure santé. Non, très connu, il est daif. Par contre, le hadith, safiru tasehu. Non, faites les voyages, vous serez en meilleure santé. Celui-là, il est sahih. Pourtant, beaucoup ne le connaissent pas. Non. Ou par exemple, ils disent, an-nazafatu min iman. An-nazafatu min iman. La propreté est de la foi. Non, ce hadith, il est daif. Pourtant, il est très connu. Et comme je disais, il y en a des centaines. Taïeb. On revient, inchallah, au dars. On avait cité 10 choses. 10 choses qui étaient permises à faire pendant le siyam. 10 choses que les gens croient qu'elles ne sont pas permises. Alors 10 choses sont permises pendant le siyam. Quelles sont ces choses? Et à chaque fois que quelqu'un cite une chose, c'est-à-dire celui qui répond après lui, il regarde bien qu'est-ce qu'il y a affiché pour qu'il ne répète pas la même chose. Muslima 85. Et celui qui écrit, naam, il dit le numéro, par exemple, numéro 1. Muslima tafadzali. Se laver par adoration. Naam. Ahsanti. On passe à Ismaïl. Se laver à cause de la chaleur. Ahsanti. Aliya. Ou de la santé, naam. Ou ma'aliyah. Mettre de l'eau dans la bouche, aspirer de l'eau par les narines. Ahsanti. Ou zakaria. Rib ou zakaria, j'attends, inshallah. Mettre du kohl uniquement dans le but de se soigner les yeux. Taïeb, ici juste une petite correction. Naam. Mettre du kohl uniquement dans le but de se soigner les yeux pour les hommes. Pour la femme, il est permis qu'elle mette le kohl même dans la journée, si c'est par exemple pour son mari, pour plaire à son mari, pour les inviter ou là. Mais il n'est pas permis qu'elle sorte avec le kohl. Naam. Maryam, cinquièmement, tafadhali. Il est permis d'embrasser sa femme, son mari. Naam, il est permis que des époux s'embrassent. Naam. Makan, ahsanti. Sixièmement. Sans arriver au rapport. Naam. Naam, ahsanti. Tayyib, puisque. Allez, on va revenir. Tayyib. Makan 11. Si j'oublie, rappelez-moi que je dise quelque chose, une petite remarque sur ce qu'a dit la sœur Maryam. Si j'oublie, rappelez-moi, c'est tout. Les piqûres, mais celles qui ne nourrissent pas. Ahsanti, naam. Toutes les piqûres, sauf celle qui est nutritive. Toutes les piqûres, naam. Taïe, pour ne pas oublier ce qu'a dit la sœur Maryam, il est permis d'embrasser ça, yani, il est permis de s'embrasser jeudi, mais. Si c'est un jeune, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déconseillé. Car 2 hommes lui ont demandé s'il pouvait embrasser. Il a permis aux vieux, il n'a pas permis aux jeunes. Mais disons que c'est tout juste makro, c'est pas haram. Non, c'est-à-dire que s'il embrasse, mais il sait que c'est quelqu'un qui se retient, etc., ce n'est pas haram, inshallah ta'ala. On m'avait cité pourquoi. Naam. Oumloukman, t'as fait d'aller. Donc, on est, je crois, sixièmement ou septièmement. Faire la hijama, ahsanti. Oumaymaran, t'as fait d'aller. Jusqu'à présent, il n'y a aucun homme qui a répondu, seuls les sœurs. Là, il y a dit combien des frères. Ou là, peut-être vous voulez encourager les sœurs, je ne sais pas. Inch'Allah, c'est celle-là la niya. Naam. Oum Imran, j'attends, Inch'Allah. Naam, naam. Les choses qui rentrent involontairement dans la bouche. Insectes, mouches, abeilles, naam, naam. Tout cela, Inch'Allah ta'ala, yani, ça n'annule pas. Ahsanti, mollusque, tafaddal. Naam, uniquement qui ont rapport avec le das. Naam, chaque das, naam, c'est uniquement en rapport avec lui. Naam. Tayyib, Maryam. Ma fi mushkil, mollusque. Ma fi mushkil, inshallah ta'ala. Ma fi mushkil, inshallah ta'ala. Amin. Qui te récompense toi aussi, Inch'Allah. Excusez-moi, j'ai répondu trop tôt avec mes enfants, j'entends rien. Naam. Oum Aïcha, tafaddal. Alaykoum salam wa rahmatoullah. Naam, le siwak, l'utilisation du siwak, صح. Naam, siwak. طيب, barbahari. Barbahari, tafaddal. Je crois qu'on les a terminés. Wallahu ta'ala a'lam. Je crois qu'on les a terminés. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa alaykoum salam. Miswak, naam, on l'a cité. Oum Zakaria, tafaddal. Oum Zakaria, autre chose. Tayyib. Les choses qui rentrent, c'est-à-dire dans la cité. Naam. Ahsan Allahu ilayk. Il est permis à quelqu'un qui cuisine de goûter. Ahsan Allahu ilayk. Les ulama ont ajouté aussi. Il est permis aussi à celui qui, quoi, non seulement qui cuisine, mais celui qui achète dans le souk. Naam. Il achète dans le souk. Il va au marché. Il voit quelque chose. Il dit, je ne sais pas, il dit, c'est ceci, cela. Ensuite, il met sa langue. Ils ont dit c'est permis à condition qu'il crache. À condition qu'il crache. Naam. Taïb, il reste le siwak, trottoir à dents et le muscle. Naam. Les trois radeaux sont ensemble. Autre chose, Inch'Allah. Oum Lokman, il reste du quoi une chose. Naam. Il reste une chose, Inch'Allah ta'ala. Naam. Il reste une chose, Inch'Allah ta'ala, importante. Deux. Ces deux choses se ressemblent. C'est quoi? La signe, on l'a cité. On l'a cité. Tayyib. Tayyib. Abdullah Sweden. Fazal. Abdullah, tafadal, Inch'Allah. طيب عبد الله سويدن قعد عبد الله سويدن لي كيسيون سو سون با دي كيسيون كوم سا ليبر نعم عبد الله سويدن regard les questions, on n'est pas en train de poser des questions libres, c'est moi qui pose des questions et ce sont eux qui répondent pour savoir s'ils ont compris le dars et tout. Si tu as inchallah ta'ala une question, inchallah attends inchallah juste après le cours tu la poses inchallah ta'ala. Ma fiche mouchkil Abdullah Sweden, hayak Allah, ma fiche mouchkil inchallah. Abu Hudayfa, tafadhal. Je disais, il reste deux choses. Est-il permis de se faire opérer pendant le ramadan ou faire une anesthésie générale? Inch'Allah, après le DAS, tu n'as pas compris, Abu Hudayfa. Tu as fait comme Abdullah Sweden, Hayakallah. Abu Abdel Qayyum. Abu Abdel Qayyum, reste deux choses. Tu as l'une des deux choses ou tu l'as pas. Al-Bukhur, Jazakallahu khair. Mais le Bukhur, j'ai dit que la vie le plus l'ensemble. J'ai dit que la vie qu'a choisi Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, c'est que il était interdit de le mettre. Il était interdit de le mettre. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Restez une chose, ou la deux. Taïb, Souleyman, tafadhali. Allah yahdik Souleyman. Amatullah, tafadhali. Amatullah, tafadhali, restez une chose. Peut-être qu'elle n'est pas avec nous. Kenza. Aspirer. Naam, aspirer. Tayyib. Maintenant, je vais poser d'autres questions. Naam, j'oublierai pas de vous dire que vous avez oublié une chose. Allahu ta'ala alam. Vous avez oublié de parler des gouttes. Naam, des gouttes. Les gouttes, on peut les mettre dans les yeux. Naam, on peut les mettre dans les oreilles. Naam. Mais si on les met dans le nez, si on les met dans le nez, naam, le kohl, j'en ai parlé. J'ai parlé tout à l'heure du kohl. Naam. Les gouttes, si on les met dans le nez, et ça rentre dans le ventre, Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmo a dit, on a rompu le jeûne. Mais si on les met dans les yeux ou bien dans les oreilles, même si ça arrive au ventre, ce n'est pas interdit. Pourquoi? Parce que, naam, il a été prouvé que, le nez est un couloir qui mène, disons, une issue qui mène au ventre. Mais il n'a pas été prouvé que les yeux ou bien que les oreilles mènent au ventre. C'est pour ça, quelle est la différence? La différence, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de l'aspiration, il a dit, insiste dans l'aspiration, sauf si tu as jeûné. Ça veut dire que si tu jeûnes et tu insistes dans l'aspiration, ça va rentrer dans le ventre et ça va te rompre le jeûne. Quant aux yeux et aux oreilles, il n'a pas parlé de ça. C'est pour ça, si on met le creux ou bien on met les gouttes, par exemple, dans les yeux et que ça descend au ventre, ce n'est pas important. Et la même chose si ça descend des oreilles. Mais l'essentiel, c'est de cracher. Quand on peut cracher, on crache. Quand on peut pas, ça descend. Ensuite, je sais pas si je vous ai dit la fois passée, mais je le dis, peut-être que je l'ai oublié, je ne sais pas. Allez, je le laisse comme question, comme ça je sais si je l'ai dit ou pas. Qu'en est-il de quand quelqu'un a l'asthme et il fait avec la pompe, il ouvre sa bouche et il fait comme ça. Naam. Comme Imran, tafadhali. La ventoline. On me dit que ça s'appelle la ventoline. Naam. Son jeûne est valide. Pourquoi, Imran? Une autre personne me dit la mentoline. Une personne dit la ventoline et l'autre dit la mentoline. Allahu ta'ala a'lam. C'est vous qui êtes en France et qui vous connaissez mieux que moi. Naam. Mais je crois que c'est la ventoline parce que la personne qui m'a dit c'est la ventoline travaille dans un hôpital. Donc c'est elle la spécialiste, inshallah ta'ala. Tayyib. Maintenant, on me dit la ventoline. Et même l'autre personne est revenue, elle dit la ventoline. Alhamdoulilah. Oh, Imran, tu n'as pas répondu. Tayyib. Parce que ça va dans la gorge et non dans l'estomac. Naam. Ça ne va pas dans l'estomac, exactement. Ça va pas dans la gorge. Ça passe par la gorge et ça va autre part. Je ne sais pas comment on dit. En arabe, on dit ria. Ria. Ri'atan, les deux trucs qu'on a à gauche et à droite, les poumons. Naam, jazakallahu khair. Ça va dans les poumons et ça ne va pas. Naam, ça va dans les poumons et ça ne va pas dans à l'estomac. Barakallahu fikum. Naam. Sallallahu alaykum. Autre chose, maintenant j'avais cité une règle importante, une règle en or. J'avais dit que naam, si vous pouvez pas répondre, ça veut dire que je n'ai pas cité cette chose et que je l'ai oublié. Bon, je crois avoir dit que il y a une règle en or qui dit que chaque personne qui fait l'une des choses qui sont illicites, comme manger, boire, etc., même si elle fait cette chose illicite, son jeûne n'est pas rompu, sauf avec trois choses, trois conditions. Est-ce que vous vous rappelez les trois conditions que j'ai citées? J'ai dit que pour le jeûne, pour qu'il soit rompu, il faut que, yani, il n'y ait pas l'une des trois conditions. On va voir, inshallah ta'ala. Commence par Umm Aisha, tafadhali. Trois conditions. Et quelle est la première, inshallah? Le faire volontairement. Naam. Jazakallahu khairan. Ahsanallahu ilayk. La deuxième, inshallah. Naam. La première, c'est le faire volontairement. C'est-à-dire que quelqu'un qui le fait involontairement, son jeûne n'est pas rompu. Je donne un exemple. Involontairement, quand je suis en train de mettre l'eau dans ma bouche pour faire des ablutions, involontairement, l'eau rentre dans mon ventre. Naam. Mon jeûne n'a pas été annulé. Ou bien, encore, par exemple, je bois, ou bien je mange involontairement. Non, qu'est-ce que je fais? Je continue. Si je me rappelle, j'arrête et je continue, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a dit. Il a dit, quiconque boit ou mange quand il jeûne, tout en oubliant, il a dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné cette chose. En ce sens. Et dans un autre hadith, il a dit, il ne doit pas rattraper le jour. Tayyib, Lughman, tafadlali, la deuxième chose. Premièrement, c'est pour qu'il soit rompu, il faut le faire volontairement. Pensez que c'est l'heure du Maghreb. Ça rentre dans ce qu'a dit Aïcha. Naam, je l'ai fait involontairement, car j'ai pensé que c'était l'heure du Maghreb. Naam. Tayyib, Barbahari, tafadlali, la deuxième chose. L'oubli. Sah. Tayyib, il a cité les trois. Naam, l'oubli. Des fois, je sais que boire, par exemple, je sais que boire ou manger, ça annule. Mais j'oublie. Subhanallah. J'ai oublié qu'on était en Ramadan. Surtout, par exemple, la première semaine ou le premier jour où là, on oublie. Donc, celui-là, inshallah ta'ala, il continue son jeûne. Et troisièmement, par ignorance. Naam, par ignorance. Des fois, on se lève le matin. On croit que il fait toujours nuit et que et l'appel n'a pas été fait, l'appel du Adhan, alors qu'il a été fait. Mais, subhanallah, par ignorance. Ou bien, je crois que le soleil s'est couché. Je me dis, subhanallah, le soleil s'est couché, je le vois pas, et je mange. Ensuite, je découvre qu'il était juste caché par un nuage, derrière un nuage. Comme ça s'est passé au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si vous vous rappelez, le hadith de Esma, radiyallahu ta'ala anha, qui a dit, une fois le soleil s'est caché, on a mangé. Ensuite, le soleil, subhanallah al-adhim, on l'a vu de nouveau. Ça veut dire qu'il s'était juste caché derrière un nuage. On a cru qu'il s'était couché, le soleil. Elle a dit, alors on avait mangé. Et quand le soleil s'est montré de nouveau, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne nous a pas demandé de rattraper le jour. Naam. Maintenant, inshallah ta'ala, on commence le nouveau. Idhillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, une seconde, inshallah ta'ala, pour ce qu'il est Qasi Salaf, j'ai cru le voir à Abu Mariam Tayyib, j'ai cru voir Qasi Salaf tout à l'heure. Naam. Tayyib. Naam. Où est-ce qu'il est Qasi Salaf? Il est là? طيب قاسي سالف نعم je le vois ان شاء الله تعالى طيب une seconde ابو مريم قاسي سالف ان شاء الله ils sont quatre نعم طيب je voulais te donner mon طيب je vais te donner une seconde نعم une seconde, je suis en train de donner le numéro de téléphone. Une seconde. Naam. Voilà, justement, une personne m'a demandé mon numéro de portable. Ça. Et moi, je voulais donner mon numéro de portable à cette personne. Subhanallah. Les cœurs se sont ressemblés. Parce que, des fois, je reste 10 minutes à parler dans le vide. C'est pour ça qu'il y avait une personne, mashallah alayha, que je ne vois plus dans la salle, subhanallah al-azim. À peine je me déconnectais, j'avais l'akhor, j'avais un message d'elle, un SMS, subhanallah al-azim. Peut-être 10 secondes après, elle écrivait juste zéro. Naam, zéro, ça veut dire y a rien. C'est pas la peine d'écrire, y a un cheikh, il n'y a pas le son. Écris box zéro, et tu envoies. Inch'Allah ta'ala, yani pour ne pas perdre beaucoup de temps. Naam, jazakumullahu khayran. Je disais, on va commencer, inshallah ta'ala, par dire que, et on a terminé ma yubahdi sa'im. On va commencer par al-mufattirat. Quelles sont les choses qui annulent la fois passée? On a vu les choses qui sont permises Maintenant, on va voir, inshallah ta'ala, les choses qui quoi? Les choses qui annulent. Naam. Une seconde, inshallah. Taïb. Premièrement, et l'un de vous, les quatre, inshallah ta'ala, à chaque fois, il écrit premièrement, deuxièmement, etc., il résume. Et de temps en temps, écrivez-moi numéro 1, inshallah ta'ala, pour voir que le son va bien. Taïb. Al-aklu wa shurbu amdan an tariq al-fam ou al-ibir al-mughadhiya wa nahwa dhalik. Naam, al-aklu wa shurbu amdan an tariq al-fam ou al-ibir al-mughadhiya wa nahwa dhalik. Fa in akala wa shariba nasiyan fala yuftir wa la qada alayhi wa la kaffara. Premièrement, manger et boire par la bouche. On a insisté, on a dit par la bouche et non pas par les oreilles ou par les yeux, manger ou boire, ou bien les piqûres nutritives. Naam, les piqûres, je crois comme le sérum, Allah Ta'ala alam, le sérum, pourquoi on le met à la personne? Je crois qu'il contient yani, des choses nutritives, yani, c'est pour ça que la personne qui a, on lui met le sérum, elle peut rester 2, 3, 4, 10 jours sans manger ni boire. Naam. Maintenant, il a dit, فَإِنْ أَكَلَ وَشَرِبَ نَسِيَنْ فَلَا يُفْتَرْ فَإِنْ أَكَلَ وَشَرِبَ نَسِيَنْ فَلَا يُفَتَّرْ. Naam, il a dit, s'il boit ou mange, tout en oubliant, cela n'annule pas. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, مَنْ أَكَلَ نَسِيَنْ وَهُوَ صَائِمْ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَهُ. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih de Bukhari ou Muslim, d'après Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, il a dit, celui qui mange tout en oubliant qu'il jeûnait, naam, il a dit, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, qu'il continue à jeûner. Dans un autre hadith, il a dit, celui qui mange ou qui boit, tout en jeûnant, maintenant, s'il a oublié, naam, ou il a mangé ou il a bu, qu'est-ce qu'il fait? Il termine. Au moment, je dis bien, au moment où il s'est rappelé, il jette ce qu'il a dans la bouche. À la seconde où tu t'es rappelé, tu dois cracher. Si tu te rappelles et tu dis, Khali, je termine ce qu'il y a dans la bouche, c'est grave, c'est très grave. Naam. À la seconde où tu t'es rappelé, tu commences à cracher ce que tu as dans ta bouche. Et si tu veux laver ta bouche, c'est mieux encore pour que, yani, ça descende pas à ce qui reste. Naam. Il a dit qu'il termine son jeûne, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a nourri et qui lui a donné à boire. Naam. Et bien sûr, dans un autre hadith, il a dit, فَلَا قَدَا عَلَيْهِ. Il n'a pas de rattrapage. Il n'a pas de rattrapage. Plusieurs personnes se trompent et ils ont dit, puisque je me suis trompé, d'accord, je ne vais plus manger, mais je vais rattraper après. Ça, ce n'est pas vrai, c'est un avis faible. L'avis le plus juste, quand tu as, c'est pas l'avis. La vidéo là, mais bien sûr. Mais ici, on a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est vrai, même si tous les ulama du monde disent le contraire de ce qu'il y a dans le hadith, on laisse tous les ulama du monde de côté, tout en les respectant. Et on prend ce qu'a dit le hadith sahih. Sauf bien sûr, s'ils disent qu'il a été abrogé, etc. Naam. Tayyib. Et je disais que certains, qu'est-ce qu'ils faisaient? Certains, par prudence, ils rattrapent le jour, car ils ne connaissent pas le hadith. Et d'autres, par négligence, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, puisque je me suis trompé et j'ai mangé, donc, laisse-moi, je continue à manger. Naam. Entre parenthèses, alhamdoulilah, je n'attendais que ça. Alhamdoulilah, que j'ai oublié. Ah, et, masha'Allah, il va manger toute la journée. Celui-là, bien sûr, il a fait quelque chose de grave. Mais, si tu as mangé ou bu, même si tu as mangé, subhanallah al-adim, tout ce qu'il y avait dans la marmite, et bu une bouteille d'eau, et tu t'es rappelé, alhamdoulilah, tout ce que tu as mangé et bu, c'est Allah Ta'ala une ni'ma de lui. Une ni'ma, subhanallah al-adim, il a voulu t'aider. Naam. Il a dit, mon serviteur, celui-là, miskin, il ne pense qu'au manger et qu'au boire. Et je vais lui donner un peu maintenant, allez. 2 mois, subhanallah al-adim. Un risque de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Autre chose, ce qui est interdit. Naam. Maintenant, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, yani, celui qui oublie, et il boit, et il mange. Qu'il, yani, qu'il, qu'il terminait, qu'il ne rattrapait pas. Parce que l'oubli, l'oubli, il est toujours avec nous. Toujours, toujours, toujours. Naam, toujours. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, oubliait. Des fois, il oubliait un verset, il ne le lisait pas. Et des fois, il oubliait dans la salat, il ajoutait 5 au lieu de 4. Et des fois, 2 au lieu de 4. Et comme ça. Naam. Toute personne doit oublier, dût-elle être un messager. Un messager. Naam. Et ici, j'ouvre une parenthèse. Se trompent les personnes qui disent, et vous l'entendez beaucoup chez les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'homme ou l'être humain a été appelé insan, l'être humain, on dit en arabe insan, à cause de quoi? Du nisyan, à cause de l'oubli. Pourquoi on nous appelle insan? À cause de nisyan, à cause de on oublie. Et cette chose, quoi qu'elle soit vraiment propagée, elle n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie. Naam. Mais insan vient de quoi? D'une des deux choses. Pourquoi on nous appelle insan? D'une des deux choses. Ou bien, ça vient de ins. Ins. Ins, c'est quoi? C'est un peu difficile en français. C'est le contraire de, par exemple, la solitude. Insan, on ne peut pas vivre seul. On doit vivre en société. Naam, on ne peut pas vivre seul dans une forêt, c'est impossible. Même ceux qui vivent dans l'Amazon ou l'Amazonie, ils sont pas seuls. Ils sont des familles. Naam, des familles. Des centaines ou là, je ne sais pas combien. Naam. L'homme, insan, ne peut jamais vivre seul. C'est pour ça qu'il a été appelé insan, parce que il a besoin de ens. Naam. Il a besoin de ens. L'ens, comme on dit en français par exemple, quand tu es seul, ensuite il y a quelqu'un qui vient, tu dis alhamdoulilah. يعني استأنس بك الحمد لله كنت avec moi يعني استأنس يعني je ne suis pas seul disant bon il y a un verbe je le trouve pas خلينا منو. Et d'autres ont dit que je crois que le deuxième avis il est plus fort, Allah ta'ala alam. Ils ont dit il vient du verbe anasa. Insan vient du verbe anasa. Anasa c'est quoi? C'est vu. Pourquoi on dit vu? Parce que l'homme, l'être humain, se voit. On le voit. C'est-à-dire, contrairement à qui? Contrairement au djinn. Le djinn, on ne le voit pas. Naam, le djinn, on ne le voit pas. Mais l'être humain, on le voit. Anasa, ça veut dire, il a vu. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de Moussa, فَلَمَّا أَنَسَ أَنَسَ نَارًا قَالَ فَلَمَّا أَنَسَ نَارًا. Lorsqu'il a vu le feu. Naam, lorsqu'il a vu le feu. C'est pour ça que les ulama disent que... Pardon. Et djinn, c'est parce qu'on ne peut pas les voir. Parce qu'on ne peut pas les voir. C'est pour ça que les ulama disent... Naam, jazakallahu khairan Suleiman. Vous voyez où il y a les deux lettres, Jim et Nun, comme Jin, ça veut dire caché, quelque chose qui se cache. C'est pour ça, remarquez, on dit, regardez par exemple, on dit Jannah. Naam, en parlant du paradis. Naam, en parlant du paradis, on dit Jannah. Pourquoi? Parce que le paradis est caché, premièrement, on ne le voit pas maintenant, deuxièmement, il est caché par les ombres, beaucoup beaucoup d'ombres dans le paradis. Comme a dit Ta'ala, wa dhillin mamdoud. Naam. Et c'est pour ça qu'on dit aussi janin. Naam. Janin, en parlant de qui? En parlant du bébé. Comment qu'on l'appelle en arabe? El janin, ou bien le fœtus. Ça s'appelle el janin. Pourquoi? Parce que il est caché dans le ventre de la femme. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ. Naam, en parlant de Ibrahim alayhi salam, فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ. Il parle de Layl. Layl, c'est la nuit. Il a employé le verbe Jannah. Pourquoi? Parce que la nuit cache. La nuit cache. Et c'est pourquoi? C'est pourquoi aussi, on dit, Naam, on dit quoi? On dit Majnoun, Naam, on dit Majnoun, Naam, de quelqu'un qui est fou. On dit de lui Majnoun. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de caché? Son mort, son cerveau, son raisonnement a été caché. Il ne raisonne plus, il dit n'importe quoi. Donc il y a quelque chose qui a été caché. Naam. Tayyib, tout cela, ce que j'ai dit, Inch'Allah Ta'ala, ça c'est premièrement. Naam. Tayyib, pourquoi je suis rentré dans le djinn, je voulais dire quoi, subhanallah al-azim. Naam, je ne sais pas exactement où j'ai été. Al-Muhim, je veux dire quoi? Je veux dire que ce qui annule d'abord, c'est manger et boire en faisant exprès. Et Naam, maintenant je me rappelle ce que je disais. Je disais que l'être humain oublie. C'est un oublieur, subhanallah al-azim. Et alhamdoulilah, c'est une grande ni'ma d'oublier. C'est une grande ni'ma. Des fois, on oublie des choses qu'on ne devait pas oublier. Ce n'est pas bien. Mais des fois, on oublie des choses qui nous font très mal. Subhanallah, quand on perd son père, on perd sa mère, on perd son enfant. Imaginez si on n'oubliait pas. Ce serait très grave. On mourrait de chagrin. On mourrait de chagrin. Les problèmes qu'on a, les fitnas, etc., qui nous arrivent, alhamdoulilah qu'on oublie. Il faut dire alhamdoulilah. Naam. Je disais que des fois, pendant le jeûne, ça nous arrive d'oublier. Ça nous arrive d'oublier. Et il y a un hadith que Ibn Hajr al-Asqalani a dit. C'est un bon hadith, bon ou bien sahih. C'est moi qui oublie. Déjà, moi j'oublie s'il est bon, s'il est sahih. Mais l'essentiel, c'est que il est ou bien bon ou bien sahih. Qu'une personne est allée dire à Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Il lui a dit, je faisais le jeûne. Ensuite, j'ai oublié, j'ai mangé et j'ai bu. Que lui a dit Abu Huraira? Il lui a dit, il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. Il n'y a pas de problème. Ensuite, il est parti. Naam. Ensuite, il est revenu. Il lui a dit, j'ai oublié, j'ai mangé ou j'ai bu. Abu Huraira lui a dit, il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. La baisse, la baisse, la baisse. Et il est parti. Quand il est parti, il est revenu la troisième fois. Il lui a dit, pardon, j'ai oublié. J'ai mangé ou j'ai bu. Subhanallah, l'adim, trois fois. Alors, Abu Huraira lui a dit, ça se voit que tu es quelqu'un qui n'est pas habitué au jeûne. Naam, quand quelqu'un n'est pas habitué au jeûne, il va oublier, manger et boire. Mais quelqu'un qui a l'habitude, masha'Allah, naam, bi'idna ta'ala, c'est rare qu'il oublie. C'est rare qu'il oublie. Deuxièmement, qu'est-ce qui est interdit pendant le ramadan? Il est interdit de se faire vomir. Al-qay'u amdan. فإن غلبه وسبقه فلا قضاء عليه ولا كفارة. Se vomir, se faire vomir et rentrer les doigts pour vomir, cela est interdit. Mais si jamais il le fait, il doit quoi? Il doit rattraper la journée après. Et il doit aussi s'arrêter de manger. Naam. Il vomit et il ne mange rien. Il va pas dire puis je vais vomir là. Non, tu as vomi, tu as rompu le jeûne, tu le rattrapes après, mais tu termines le siyam de ce jour-là. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après le hadith de Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, man dara'ahu al-qay'u wa huwa sa'im falaysa alayhi qada'un wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa huwa sahih fi Sunan Abi Dawud 2084 et Irwa al-Ghalil, Cheikh al-Albani 923. Naam. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit quiconque, yani, c'est le vomissement qui est sorti de lui sans qu'il veuille lui. C'est-à-dire le vomissement t'as disons dévancé ou là t'as précédé, il est sorti tout seul. Ça arrive. Des fois on est assis ou là on marche ou là on sent quelque chose qui veut sortir, ensuite ça sort. Cette chose sort d'elle-même. Il a dit quiconque le vomissement sort de lui sans qu'il le veuille alors qu'il jeûnait, فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ. Il ne doit pas rattraper. Naam. Et quiconque, c'est lui qui se fait vomir, doit rattraper. Inch'Allah Ta'ala, c'est clair. Naam. Quand pendant le ramadan, surtout les femmes qui sont enceintes. Naam. Quand pendant le ramadan, naam, je sens que il y a quelque chose qui veut sortir, etc. Naam. Ensuite, elle sort toute seule. Alhamdulillah. C'est pas moi qui l'ai fait sortir. Donc je ne rattrape pas. Mais si maintenant, je sens que je veux vomir, je suis mal à l'aise, etc., ça me fait mal, je décide. Je dis, il vaut mieux que je vomisse. Sinon, ça va empirer. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais rentrer deux doigts et je vomis. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que je ne vais pas... Le fait de vomir, ça fait déjà mal. Ce n'est pas... Ça s'est jamais vu. Quelqu'un qui a faim, il va dire, je vais vomir. Non. Mais j'ai vomi à cause de... Je suis malade. Si je vomis pas, ça va devenir grave. Ça va me faire mal, etc. Non, je vomis pour me reposer, mashallah. Mais après, qu'est-ce que je fais? Je rattrape. Et je ne mange pas ce jour-là. Je ne continue pas à manger. Non, ça c'est deuxièmement. Troisièmement, mais ce qui est dommage, c'est que personne ne m'écrit numéro 1 pour me dire que vous êtes connecté, inshallah ta'ala. Qasi Salaf, où est-ce que tu es parti? Tu es allé vomir? Où est-ce que tu es? Oum Suleiman, il y a des vomissements, c'est quoi? Tayyib, alhamdoulilah. Troisièmement, on est concentré, masha'Allah. Classe, tu as des arguments, masha'Allah, allez. Et Qasi Salaf, il m'a pas répondu qu'est-ce qu'il faisait. Malish. Troisièmement, al-hayd wal-nifas, ida waqa'a qabla ghurub ash-shamsi wa law bi lahadhat. Troisièmement, les menstrues et les lochies. Même si elles arrivent quelques secondes avant quoi? Avant le coucher du soleil. Naam. Masha'Allah, une femme a fait le jeûne toute la journée. Maintenant, il reste 2 ou 3 secondes pour que le soleil se couche. C'est-à-dire le soleil, mashallah, je le vois à l'horizon, il est en train de se coucher. Il reste juste un petit morceau qui s'est pas couché. Et voilà que la femme a senti quelque chose descendre. Subhanallah, elle a vérifié, elle a trouvé que c'était vrai. Subhanallah, l'adim. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rattrape cette journée. Elle rattrape cette journée. Et elle va pas dire, c'était juste quelques secondes, c'était... Non, elle rattrape la journée. Naam. Tayyib. Maintenant, une chose très importante, on n'est pas cité dans le livre, mais ça peut vous aider, inshallah ta'ala. Ça a un rapport avec les femmes et les menstrues aussi. Supposons que nous sommes pendant le ramadan. Une femme s'est réveillée le matin, elle était purifiée. Naam. Attendez, elle était purifiée? Non, le contraire. Naam. Le contraire, elle était avec ses menstrues. Et maintenant, puisqu'elle était avec ses menstrues, bien sûr, elle a bu le café, elle a mangé les croissants, pain au chocolat, masha'Allah. Et ensuite, le matin, classe. Elle n'a plus les... monstres. On fait leur prise. Ou ça se coupe dans les autres pour voir qu'est-ce qu'il y a. Naam. Alors les autres, qu'est-ce qu'il y a, inshallah ta'ala? Vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Qasi Salaf, est-ce que vous m'entendez? Abou Marim, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Ça y est. Je dis, supposons que une femme avait jeûné, pardon, elle ne jeûnait pas, ensuite, elle a vu que quoi? Elle a vu que elle avait les pertes blanches. Elle avait les pertes blanches. Celle-là, maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va commencer à jeûner? Ou bien, est-ce qu'elle va continuer à manger parce qu'elle n'a pas mangé? Pardon, parce qu'elle a déjà mangé et qu'elle va rattraper un autre jour. Là, je voudrais vous dire que il y a deux avis vraiment forts. Naam, deux vraiment forts bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Le premier avis, qu'est-ce qu'il dit? Que cette personne, qu'est-ce qu'elle peut faire? Cette personne, elle n'est pas jeûnée. Elle ne peut pas jeûner. Naam. Pourquoi? Parce que déjà quoi? Elle a vidé les menstrues. Donc cette personne ne peut pas jeûner. Elle continue à manger. Et après, Inch'Allah, elle rattrape un jour. Et après, Inch'Allah ta'ala, elle rattrape un jour. Celui-là, c'est l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il a donné beaucoup de délits vous pouvez les voir dans son livre connu qui s'appelle Sharh al-Mumti'. Naam. Il y a un deuxième avis, qu'est-ce qu'il parle qui s'est purifié pendant la vie, cette personne doit, naam, cette personne doit commencer le siyam. Parce que quand elle a mangé le matin, elle était excusée, mais maintenant que elle a les pertes blanches, elle n'a plus les menstrues, elle n'est alors plus excusée. Naam, et elle doit commencer le jeûne. Elle doit commencer le jeûne. Et ceux qui ont dit elle doit commencer le jeûne, ont divers aussi en avis. Certains ont dit et elle rattrape le jour, et d'autres ont dit elle ne rattrape le jour. Naam. Pourquoi? Parce que celle-là, elle ne l'a pas fait exprès. Naam. Et c'est l'avis de Cheikh Mohamed Firkous, Hafidahullah. Maintenant, jusqu'à présent, moi, personnellement, j'ai lu les derniers, etc. Je suis beaucoup plus avec l'avis de qui? De Cheikh Ibn Uthaymin, qui est plus avant que, yani, beaucoup de ulama, Inch'Allah Ta'ala. C'est pour ça que je pense que l'avis le plus fort, Inch'Allah Ta'ala, c'est quand une femme se purifie au milieu de la journée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue à manger. Trop tard. Pourquoi? Parce que elle devait commencer le siyam quand? Elle devait commencer avec le fajr. Ce n'est pas à 10h du matin qu'elle commence. Elle commence avec le fajr. Et puisqu'elle avait un empêchement, la ghalb. C'est pas elle. C'est elle qui s'est fait ce sang. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a donné. Donc, elle continue à manger et elle rattrape un autre jour. Maintenant, si l'une de vous, ou l'un de vous, a bien lu les délits, et a été convaincu par exemple par l'autre avis, celui que qui va le contraire de Cheikh Othaymine, que elle commence le siyam même à 10h du matin et elle n'attrape pas, Inch'Allah Ta'ala est libre. L'essentiel c'est quoi? C'est qu'il est en train de suivre la passion, mais il a lu et il a été convaincu. Naam, il a lu et il a été convaincu. Ça c'est troisièmement. Quatrièmement, ce qui est interdit aussi, c'est quoi? C'est le rapport. Que quelqu'un fasse le rapport avec sa femme. Sauf s'il a oublié. Et les ulama ont dit, c'est un peu difficile de dire qu'elle a oublié que nous sommes pendant le ramadan, car si lui, il a oublié, sa femme lui rappelait. Et si la femme a oublié, l'homme lui dit « Taqillah, tombe dans le ramadan ». C'est comme ça. Ils ont dit vraiment, yani, c'est un peu difficile de dire que on oublie et on fait le rapport pendant le ramadan. Mais, moi je dis mais, il est possible que quelqu'un oublie, comme par exemple, si il va à la Umra. Naam, jazakallahu abou marim, jazakallahu khair. Il va à la Umra, et ensuite qu'est-ce qui se passe? Quand il termine le tahallul, quand on va à la Umrah, on est avec ihram. Ça, on est avec le ihram, c'est-à-dire le drap blanc. Naam. Et quand l'homme porte le drap blanc, il est interdit qu'il fasse le rapport. Ça, que ce soit pendant le ramadan ou pas le ramadan. Mais dès qu'il termine le ihram, tahallul awal, il est libre qu'il s'approche de sa femme. Donc quelqu'un qui est parti avec sa femme faire la Umrah pendant le ramadan, maintenant quand il était avec l'ihram, naam, et maintenant il a terminé l'ihram, il a enlevé son drap blanc, il est possible qu'il l'oublie. Qu'il oublie quoi? Il oublie que nous sommes pendant le ramadan. Il se rappelle seulement de quoi? Il se rappelle seulement que quand on termine l'ihram, il est permis d'approcher la femme. Il ne pensait qu'à cela. Maintenant il a enlevé son drap, il va directement à sa femme. Dans ce cas, il est possible d'oublier que nous sommes pendant le ramadan. Naam, car il ne pensait qu'à cette chose. Naam. Moi, je me rappelle quand une fois je suis parti avec les Koweïtiens faire le hajj. Vous savez, le hajj, on reste un bon bout de temps avec l'ihram. On n'a pas droit d'approcher la femme. Et bien sûr, on était dans deux hôtels collés l'un à l'autre, c'est-à-dire il y a une entrée par là, une entrée de l'autre côté, et une entrée c'est pour les femmes et une entrée c'est pour les hommes. Naam. subhanallah l'azim, yani tellement, bon, ça c'est une chose naturelle, tellement yani l'homme a besoin de sa femme que pendant le ihram, c'est-à-dire qu'il est un peu même pressé quand est-ce que se termine l'ihram, car il est assez long pour pouvoir approcher sa femme. Je disais que les Koweïtiens, qu'est-ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire la veille, demain par exemple on a terminé l'ihram, on peut approcher sa femme, la veille déjà, qu'est-ce qu'ils faisaient, ils louaient un appartement, ils louaient un appartement en groupe, par exemple 10 couples louent l'appartement. Ensuite le lendemain, chacun allait dans cet appartement avec sa femme, yani après bien sûr que l'autre yani termine. Naam. Le premier couple rentre, ensuite il reste une heure ou deux heures, il sort, deuxième, troisième, il faisait comme ça. Naam. Donc je dis que il est possible que quelqu'un ne pense qu'à cette chose pendant le Ramadan, alors que il oublie qu'il est pendant la Umrah. Il oublie qu'il est pendant la Umrah. Naam. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith de Abi Huraira qui est très connu, il a dit, alors qu'on était assis chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذ جاءه رجل فقال, alors qu'un homme s'est présenté et a dit, يا رسول الله هلكت, ô messager d'Allah, هلكت, je suis perdu, ou je suis des perdants, c'est mieux. Il a dit, مالك, qu'as-tu? Il a dit, وقعت على امرأتي وانا صائم, نعم, disons que j'ai fait le rapport tout en jeûnant, nous sommes pendant le Ramadan, j'ai fait le rapport. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, هل تجد رقبة تعتقها؟ Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu trouves un esclave à affranchir? قال لا, il a dit non. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين? Est-ce que tu peux jeûner pendant deux mois consécutifs? Il a dit là. نعم. قال هل تجد إطعام 60 مسكينا? Et est-ce que tu peux donc nourrir 60 pauvres? Il a dit là, non. قال Abu Huraira a dit, فمكث النبي صلى الله عليه وسلم, donc le prophète صلى الله عليه وسلم s'est assis, yani donc yani on va voir quelle est la solution à cette personne. فبينا نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تم. Il a dit, alors que nous étions assis avec le prophète صلى الله عليه وسلم, voilà que quelqu'un est venu avec un couffin plein de dattes, un couffin plein de dattes. Alors le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, أين السائل, où est la personne qui a posé la question? Où est la personne qui a posé la question? C'est-à-dire celle qui a eu le problème. Il a dit, Anna, je suis là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Khudha, khud hada fatasaddaq bihi. Donc, puisque tu ne peux ni affranchir un esclave, ni jeûner deux mois consécutivement, ni faire nourrir 60 porcs, alors prends ce couffin plein de dattes et donne-le, et donne ce qu'il y a à l'intérieur aux pauvres. Qu'a dit l'homme? Faqala ar-rajul, l'homme a dit, ala afqar minni ya rasulullah, ô messager d'Allah, tu m'as dit de donner ces dattes aux pauvres. Vais-je les donner à quelqu'un de plus pauvre que moi? Il voulait dire quoi? Il voulait dire, il n'y a pas plus pauvre que lui. Ensuite, il a dit, fa wallahi, je jure, ما بين لبتيها أهل بيت أفقر من أهل بيت. Je jure par Allah que il n'y a pas dans la ville quelqu'un de plus pauvre que moi. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète عليه الصلاة والسلام a souri, حتى بدت أن يبدو, il a même ri jusqu'à ce que on ait vu ses dents qui sont au derrière de sa bouche. Non, à l'arrière de sa bouche. On a vu ses dents et c'est très rare que le prophète صلى الله عليه وسلم fasse cela, bien sûr. Ensuite, il a dit, at'im ahlak, donc, les molaires. Naam. Il a souri, ou bien ri, jusqu'à ce qu'on ait vu ses molaires. Ensuite, il lui a dit, alors, nourris ta famille. Subhanallah al-Azim. Voyez l'islam, combien qu'il est, subhanallah al-Azim, simple. Cette personne a fait, yani, quelque chose de grave, subhanallah al-Azim. Il a fait quoi? Il a fait le rapport avec sa femme. Et il savait. Quel est le délil qu'il savait? Quelle est la preuve? Quand il est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, je suis des perdants. Naam. Il a dit, halakt, je l'ai fait exprès, ça veut dire. Et malgré cela, regardez, il a fait le rapport. Et en plein Ramadan, Et malgré cela, il est retourné chez lui avec un couffin plein de dattes. Subhanallah al-Adim. Sa femme risque même de lui dire, si c'est comme ça, on fait ça à chaque fois. Subhanallah al-Adim, tu nous reviens avec un couffin plein de dattes, masha'Allah. Subhanallah al-Adim, l'islam, si c'était nous, peut-être on aurait dit, il faut tuer cette personne. Cette personne, elle a fait ça pendant le ramadan, ça doit être celui-là un hypocrite. Il faut lui trancher la tête, comme disent les takfiriyoun. Non, il faut lui trancher la tête celui-là. Subhanallah al-Adim, l'islam. Mais je voudrais dire que faire une chose pareille pendant le ramadan, c'est une chose très grave. Non, un grand péché pour celui qui le fait exprès. C'est un grand péché. Et s'il le fait, il est obligé de passer par les étapes qui sont citées dans le hadith. Il va pas dire directement, je vais nourrir des pauvres. Non, il doit d'abord chercher un esclave, homme ou femme, il faut qu'il soit musulman cet esclave, pour l'affranchir. Naam, il faut qu'il cherche un esclave. S'il trouve pas, qu'est-ce qu'il va faire? Alors là, il est obligé de jeûner 2 mois consécutivement. Punition. 2 mois consécutivement. Si jamais il mange un seul jour, par exemple, il a jeûné 45 jours, il dit demain, je peux pas, j'ai faim, je vais manger. Celui-là, dès qu'il mange, il revient de nouveau à 2 mois. Naam. Le compteur revient à zéro, et il commence 2 autres mois. Sauf s'il a quoi? S'il a une permission. La permission, c'est quoi, par exemple? C'est un voyageur. Alhamdoulilah, c'est un voyageur, il mange. Naam. Ou bien si quelqu'un est tombé malade. Alhamdoulilah, il mange, il est malade. Ou bien, par exemple, qu'est-ce qu'on permission? Ou bien c'est l'Aïd. L'Aïd. Alhamdoulilah, il mange l'Aïd. Et ensuite, si c'est arrêté par exemple au 14e jour, il a mangé avec permission, alors il commence après le 15e, 16e et comme ça. Naam. Remarquez ici, j'ai juste une petite remarque. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, donne ses dates en aumône. Il a dit, Ya Rasulallah, à qui vais-je les donner? À quelqu'un de plus pauvre que moi? Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Je jure par Allah que dans la ville, il n'y a pas plus pauvre que moi. Naam. Que dans la ville, il n'y a pas plus pauvre que moi. On peut prendre quel intérêt de ce hadith? Que, d'ailleurs, je vais vous poser une question. Est-il possible que cet homme qui a juré par Allah que dans la ville, il n'y a pas plus pauvre que lui, est-il possible que ça soit vraiment Yani, ça soit vraiment vrai? Est-il possible que ça soit vraiment vrai? Cette personne a-t-elle juré avec conviction? Cette personne est-elle voir tous les habitants, toutes les maisons? Elle a frappé à la porte et elle a vu comment qu'ils vivent pour qu'elle puisse jurer par Allah qu'il n'y a pas de plus pauvre? Certainement pas. Une ville, subhanallah al-Azim, des milliers d'habitants. Donc, ici on peut prendre comme intérêt que si tu es assez sûr, naam, que cette chose est de telle façon, tu peux jurer par Allah. Naam. Tu jures par Allah que, par exemple, il n'y a pas plus jahil que toi. Il n'y a pas plus pauvre que toi. Et tu jures par Allah, alors que tu n'es pas très sûr. Mais, tu es, subhanallah al-Azim, yani, assez pauvre pour jurer. Assez ignorant pour jurer. Je suis ignorant. Et comme ça. Naam. Naam. Maintenant, à la mentaqa ou kafara, un homme en plein ramadan a fait le rapport avec sa femme. Il a fait un grand péché, ensuite il doit faire la kafara comme je viens de la citer. Maintenant, qui doit faire la kafara? L'homme ou bien seulement la femme? Ou bien l'homme et la femme? C'est-à-dire seulement l'homme ou bien l'homme et la femme? Non. Ici dans le livre, l'Aouaïcha, hafidhahullah, a dit que seul l'homme doit faire la kafara, pas la femme. Non. Et il a cité l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Il a dit, j'ai demandé à Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit, seulement l'homme. Non. Ça c'est le premier avis. Je vous cite le deuxième avis, c'est celui de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, qui dit que les deux doivent faire la kfara. Les deux doivent jeûner chacun 2 mois, naam. consécutifs. Ou alors, faire nourrir 60 pauvres et comme ça. Naam. Et moi, personnellement, je suis convaincu beaucoup plus par l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin dans ce cas. Pourquoi? Parce que, je dirais très simplement, comme l'homme a trouvé le plaisir, la femme aussi a trouvé le plaisir. Alors pourquoi seul l'homme va payer les impôts? Pourquoi la femme, elle ne va pas payer avec lui? Alors que, il est même possible que ça soit elle qui l'ait excité. Alors comment se fait-il que seul lui, il va payer? Regardez, quand les deux vont faire le hajj, l'homme et sa femme. Ensuite, en faisant le hajj, maintenant, avant le tahallul, avant d'enlever le drap blanc, ils ont fait le rapport. Ils ont annulé le hajj, les deux. C'est pas seulement l'homme. Et pourquoi ici, pendant le ramadan, seul lui, il doit payer et non pas elle. Non? Donc la vie, inshallah ta'ala, le plus, yani, disons le plus fort, du moins pour moi, c'est la vie de Cheikh Ibn Uthaymin. Non. Pourquoi? Parce que les deux sont complices et les deux doivent payer. Naam. Je dirais en parenthèse, sauf dans un cas. Dans un cas, c'est lui seul qui paye. Quel cas? Le cas où il l'a forcé. Naam. Elle n'a pas voulu taqidlah, c'est Ramadan, taqidlah. Il a pris une barre de fer, il lui a dit, sinon je vais te casser la tête. Là, inshallah ta'ala, elle n'a pas de kafara. Pourquoi? C'est lui qui l'a forcé. Mais si elle accepte facilement, ou alors pire, c'est elle qui l'excite, alors là, je ne vois pas pourquoi elle ne va pas payer comme lui. Naam. Tayyib, autre chose. Maintenant, quelqu'un, jazakumullahu khairan, maintenant quelqu'un a fait le rapport avec sa femme pendant le ramadan. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Celui-là, il doit franchir un esclave. Il n'a pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit comment faire le siyam 2 mois. Maintenant, il ne va pas faire le siyam pendant le ramadan. Donc, il attend quoi? Il attend que le ramadan se termine, bien sûr. Et il commence très vite. Et maintenant, le lendemain, il a fait la même chose. Naam. Le lendemain, il a fait la même chose. 3e jour, il a fait la même chose. Naam. Combien de kafara a-t-il? Les ulama ont dit, naam. إذا تكرر الجماع في يوم آخر تكررت كفارة. نعم. إذا تكرر الجماع في يوم آخر تكررت كفارة. لأن كل يوم عبادة مستقلة. نعم. Ils ont dit, tant que il a refait cette chose dans un autre jour, il a une deuxième kafara. Parce que chaque jour, c'est quoi? C'est une adoration à part. Chaque jour n'est pas collé avec l'autre. Chaque jour commence au Fajr et se termine par exemple le Maghreb. Donc pour chaque jour où il fait le rapport, il doit compter 2 mois. Aujourd'hui 2 mois, 2 mois, demain 2 mois, 3e jour 2 mois, et comme ça. Non, pour chaque jour. Non. Maintenant, si quelqu'un ne peut pas faire la kafara, quelqu'un ne trouve pas l'esclave pour la franchir, il n'y a plus d'esclave, ne peut pas faire 2 mois. C'est pas le genre qui peut se faire 2 mois. Non, il a essayé plusieurs fois, il peut pas. N'a pas l'argent pour faire nourrir 60 pauvres. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette personne? Ici, le titre, il dit, la tajibu al-kaffaratu ala man lam yastati'ha. Il dit, quiconque ne peut pas ou ne trouve pas la kaffara ou n'a pas les moyens, la kaffara n'est plus obligatoire pour lui. Mais, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan, qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il avait fait le rapport pendant le ramadan. Naam. Et cet homme, bien sûr, n'avait pas les moyens pour faire la kafara ni la capacité. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, fasum yawman, som yawman, rattrape un jour ou staghfir Allah. Rattrape un jour et staghfir Allah. Et va faire le repentir. Naam. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Naam. C'est un hadith qui est sahih et se trouve dans Irwa al-Ghadil, tome 4, page 91. Naam. Donc je résume très vite. si quelqu'un fait le rapport pendant le ramadan, il a fait un grand péché, premièrement. Maintenant, laissons le péché de côté. C'est quoi la kafara? Il va affranchir un esclave, s'il ne trouve pas. 2 mois consécutifs, s'il ne trouve pas. Il nourrit 60 personnes, s'il ne trouve pas, il rattrape un jour et il demande pardon. De toute façon, demander pardon, même s'il fait les 2 mois consécutifs, il doit demander pardon à Allah. Car comme j'ai dit, il a fait un grand péché. Naam. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Certaines personnes, subhanallah al-azim, ils n'essayent même pas le siyam. Ils n'essayent pas les 2 mois consécutifs s'il a fait le rapport. Il va te dire directement, oh, je me connais, je peux pas. Donc, je vais directement nourrir les personnes. Nous, on lui dit, smahli, tu t'es trompé. Mais il faut d'abord que tu commences à jeûner, ensuite on va voir si tu peux pas. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve que tu peux pas? Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider, tu vas pouvoir. Mais commence d'abord, subhanallah, 10 jours, 15 jours, 20 jours, ensuite khlas. Khlas, tu as la tension, tu as la fièvre qui n'arrête pas, tu as... Khlas, je peux plus. Allah ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. Mais ce n'est pas quelqu'un qui n'essaye pas du tout. Il va dire, alhamdoulilah, j'ai assez d'argent, je vais nourrir son pauvre, alhamdoulilah. Non, c'est pas comme ça. Il faut être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Commencer le siyam, ensuite, ne pas pouvoir le terminer. Là, d'accord, on va, inshallah ta'ala, passer à autre chose. Naam. Tayyib. Naam. Maintenant, tayyib, y a autre chose ici. Quelqu'un qui, c'est la prière, donc je suis absent, tafadhal. Quelqu'un qui, pendant le ramadan, en jouant avec sa femme, j'avais dit que c'était possible de jouer avec sa femme pendant le ramadan, mais que c'était déconseillé. Maintenant, quelqu'un qui a joué avec sa femme, au point de quoi? Sans faire le rapport, au point d'éjaculer. Naam, au point d'éjaculer. Que ça soit en jouant avec elle, ici c'est écrit que ça soit en jouant avec elle, ou que ça soit qu'elle ait fait à l'homme, à son époux, quelque chose avec sa main, jusqu'à ce qu'il ait par exemple éjaculé. Donc le titre c'est هل الاستمناء بمباشرة الرجل زوجه أو باليد يفسد الصوم. Est-ce que le fait de jouer avec sa femme, naam, ou bien qu'elle fasse avec sa main, au point d'éjaculer, est-ce que ça annule le siyam ou pas? Ici, c'est long, qu'est-ce qu'il y a ici? Attendez, 3 pages seulement en parlant de cette chose. Je la résume très vite en 2 avis, en 2 grands avis. Un avis que il ne rattrape pas le jour, car c'est permis de jouer avec sa femme. Et éjaculer, je n'ai pas fait le rapport. Et on a vu la voie passer, si vous vous rappelez, les affaires que j'ai citées, qu'il était permis de mettre sa main sur les parties intimes de la femme. Et puisque l'homme s'est permis qu'il fasse, pourquoi alors il n'est pas permis à la femme? Et maintenant, il risque d'arriver à l'éjaculation. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, il ne rattrape pas le jour. Naam. Il a dit, il n'y a aucun délit. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit, ils doivent rattraper le jour. Il a dit pourquoi? Et je trouve que son délil est plus fort. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans le hadith Qudsi, en parlant du jeûneur, il a dit, il délaisse sans manger, sans boire, et sa shahwa, et sa tentation, son plaisir, à cause de moi, min ajli. Et est-ce que quelqu'un qui a fait cette chose, au point que le liquide sorte, est-ce qu'il a laissé sa shahwa? Il ne l'a pas laissé. Il l'a assouvi, au contraire. Vous voyez pas que cet avis est plus juste? Subhanallah al-Azim. Allah Ta'ala dit, en parlant du jeûneur, il lui fait des éloges. Il a dit, Masha'Allah, il l'a laissé sans manger, il ne mange pas à cause de moi, il ne boit pas à cause de moi, il ne fait pas son plaisir à cause de moi. Et maintenant, celui-là est allé demander à sa femme qu'elle lui fasse cette chose avec sa main. Subhanallah al-Azim. Comment ne doit-il pas rattraper le jour? Naam. Maintenant, je dis seulement c'est le plus fort. Mais, regardez ce que dit ici, l'Awaisha hafidahullah, il a dit quelque chose qu'il faudrait marquer en or. Naam. il a dit, et que ça soit le premier avis ou le deuxième, on ne doit pas diverger, c'est-à-dire au point de je ne sais pas, de rentrer dans les altercations et les bagarres. Naam, on a divergé, c'est tout. Naam, ou natafarraq, ou nouwali, ou nouadi. Il a dit, on ne doit pas se bagarrer ou bien ne plus parler avec quelqu'un à cause d'un avis pareil. Subhanallah l'alim. À cause que j'ai choisi le premier avis de Cheikh Albani, ou bien toi tu as choisi le deuxième avis, on va plus parler. Comme ça font certains frères ou la certaine sœur. Ah, celui-là, il veut pas suivre mon avis. Il faut qu'il soit convaincu par mon avis, sinon il est dans l'erreur. Subhanallah l'azim. Où as-tu vu cela? Naam. Il a dit, فَهُنَكَ مَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْإِسْتِمْنَا يُفَتَّرِ. Il a dit, il y a des gens de أهل العلم qui ont dit que la masturbation, ça annule le jeûne. وَهُنَكَ مَنْ قَالَ أَنَّهُ لَا يُفَتَّرِ. Et d'autres ont dit que ça n'annule pas. وَلَا شِكَ أَنَّهُ حَرَامٌ. Et si on n'annule pas le jeûne, ça ne veut pas dire que c'est permis. Peut-être d'autres personnes vont dire, donc c'est permis. Le sauf si c'est la femme qui fait à son époux, pas pendant le ram. Ça, ce n'est pas haram. Je dis, et personne n'a le droit de forcer l'autre à prendre de son avis. Ça rentre dans le bon comportement du musulman. Naam, le bon comportement. Personne n'a le droit de forcer l'autre. Naam, attends, il faut que je le cherche. Aidez-moi à le chercher, Qasi Salafi. Où est-ce qu'il est d'abord pour le trouver? Naam, où est-ce qu'il est d'abord? Tayyib, je cherche, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Si quelqu'un le voit, il me le dit vite pour ne pas perdre de temps. طيب يا il va lui prendre son argent et il va lui dire ramène-moi ta sœur ou ta femme, je vais jouer avec elle. Comme ça disent les chiites, on va faire un mariage temporaire. Mohamed va chez Sistani ou il a fait un mariage. C'est ce que vous dites. Non. Ne comprend pas le français. Il y a Adam Mohamed Chiaï. Il va bien chalain de Sistani. Ou Kadim Dao Urtek. Il était zéro. الزواج المتعة إن شاء الله تعالى تفضل. طيب je disais que pendant des fois je suis dur, vous êtes très gentil etc, mais des fois dans le ménage etc je suis pas gentil. Personne ne peut être prendre tant que madame قد اعتمد على أقل العلماء سبحان الله العظيم c'est toi بارك الله فيك. Tant que cette personne s'est basée sur les gens de أهل العلم, est-ce que j'ai tiré ça de ma tête, cette personne qui fait cette chose, est-ce qu'elle a tiré ça? Ça ne veut pas dire que mon avis toujours le plus juste. Je vais aller pour eux comparer avec un autre habit. C'est de ses passions et ta'assob. Naam. Je donne un exemple. Quand maintenant j'ai dit qu'il y avait deux avis en ce qui concerne le fait qu'il y ait éjaculation pendant le ramadan, il y a deux avis. Premier avis, ce n'est pas interdit. Deuxième avis, c'est interdit. Premier avis, Cheikh Al-Albani Rahmou. Deuxième avis, Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmou. Maintenant, quelqu'un, par exemple, qui est en train d'écouter dans la salle, sans connaître l'idée d'il, il va dire, Masha'Allah, moi je suis albaniste, Masha'Allah. Pourquoi? Pourquoi tu as choisi l'Albani? Il ne s'est pas dit dans son cœur, je suis sûr, par exemple, que l'Albani est plus, a plus de science que Ibn Uthaymeen. Par exemple, là, c'est un exemple. Il n'a pas dit dans son cœur, je vais voir quelles sont ses idées. Mais il a suivi ses passions. Parce qu'il aime faire ces choses, il aime pendant le ramadan faire ces choses, il a dit, je prends l'avis de l'Albani, il est masha'Allah. Naam. Ça veut dire quoi? Suivre les passions. Ça, c'est suivre les passions. Naam. C'est pour ça qu'ici il dit, à condition qu'on ne suive pas les passions, mais qu'on soit convaincu. Naam. D'ailleurs, je préfère, inshallah ta'ala, m'arrêter ici, parce que j'ai ma tête qui me fait beaucoup mal. Naam. Attendez, est-ce qu'il y a autre chose? Naam. Il y a certaines choses qui restent, je les laisse, inshallah ta'ala, pour le darsé, pour demain. Demain, inshallah ta'ala, je termine certaines choses qui restent, inshallah ta'ala. On passe directement, inshallah ta'ala, aux questions-réponses, comme ça, pour ne pas tarder, inshallah ta'ala.